sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Mais bon, une petite pause musicale sera sûrement plus agréable qu'une publicité. Sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Passez au reconditionné. Smartphone, ordinateur, audio, console, adoptez des milliers d'appareils tech vérifiés par des partenaires de confiance. Garantie contractuelle du vendeur pouvant aller de 12 à 24 mois venant en complément des garanties légales de conformité et des vices cachés. Voir conditions sur backmarket.fr. Back Market. La dernière partie de mes études en sera aussi la plus importante. Ce dont il s'agira maintenant, c'est la pratique de la vie. Question qui concerne directement chacun de nous, devant laquelle nul ne demeure étranger ni indifférent. Bien au contraire, c'est à elle que nous rapportons toutes les autres. Et c'est là un mouvement si naturel que nous ne saurions étudier aucun problème sans nous porter tout d'abord vers la partie pratique. Et sans y voir le vrai résumé du tout. Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1819. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique, y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi elle est magnifique. Pourquoi tu te la compliques par des hésitations? Bonjour Yanis Constantinides. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Vous êtes professeur de philosophie à l'école Boulle et d'éthique appliquée à l'espace éthique IDF Paris 11. Vous intervenez également dans la formation d'humanité médicale de Paris 3. Vous avez aussi retraduit, annoté, postfacé plusieurs textes de Schopenhauer, au-delà de la philosophie universitaire, métaphysique de l'amour sexuel, lettre à un disciple, tout cela aux éditions Mille et une nuits. On vient d'entendre cette chanson de Brigitte Bardot et vous venez de me dire, très bon choix. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette ambiguïté chez Schopenhauer d'une vie qui à la fois qui ne couvre pas ses frais, comme il dit, et en même temps qui comporte, si on s'en détache, des joies d'un autre ordre que ceux qui font marcher l'humanité. Alors j'ai lu en ouverture les toutes premières lignes du quatrième livre du Monde comme volonté et comme représentation où Arthur Schopenhauer entend proposer une philosophie pratique, ce qui prouve en fait que dès son grand œuvre, qui est quand même une œuvre de jeunesse, je rappelle qu'elle a été publiée quand il avait 30 ans, il avait donc déjà élaboré une éthique et tous les textes dont on a parlé précédemment, que ce soit l'art d'être heureux ou l'art de se connaître soi-même, ne sont pas distincts finalement de cette métaphysique et même finalement ne sont qu'un prolongement de ce qu'il y avait déjà dans le monde comme volonté et représentation. Bien sûr, tout est joué avec la publication du Monde. Il n'y a plus que des rajouts à faire. D'ailleurs, Schopenhauer fera deux autres éditions du Monde par la suite, en rajoutant toujours des suppléments, aussi des passages dans le livre 4. Il a aussi augmenté le livre 4, ce qui fait que c'est le livre le plus gros, le plus touffu du Monde. Mais effectivement, il considère que ce qu'il avait à dire, l'énigme du Monde, est résolue. Et qu'entend-il par « pratique » ? Ça veut dire quoi, la pratique de la vie, en fait? On pratique tout le temps la vie, en fait. Donc, elle n'a pas besoin forcément d'y réfléchir ou en tout cas de dire en quoi il faut pratiquer la vie d'une certaine manière. C'est une très bonne question parce qu'il faut d'emblée lever un malentendu. Schopenhauer précise bien qu'il ne propose pas, il ne prescrit pas une pratique. Ce n'est pas une éthique au sens peut-être d'aujourd'hui qui consiste à dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire. Parce que Schopenhauer dit avec l'humour caustique qui le caractérise, il est toujours penser que les gens appliqueront l'éthique qu'on propose. C'est comme imaginer qu'on va devenir peintre en lisant l'esthétique, vous voyez, en lisant des œuvres d'esthétique, en regardant des toiles, etc. Donc, il n'a aucune illusion, si vous voulez, sur le fait que les gens vont mettre en pratique ce qu'ils proposent. Donc, par exemple, en lisant Le Monde comme volonté et comme représentation, Schopenhauer est persuadé que je vais pratiquer la théorie qu'il a déployée. En fait, non. Ce qui est très curieux, enfin, il y a plusieurs contradictions ou tensions, on va dire, dans l'œuvre de Schopenhauer. Une tension à ce propos, c'est que Schopenhauer est convaincu de l'immutabilité de l'être. C'est-à-dire que du caractère. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, personne ne change jamais. Tout nous est donné, on en a parlé hier, on est d'une humeur gaie ou d'une humeur triste, et ça bougera pas. Voilà. Et malgré tout, il y a une prise de conscience, on en reparlera certainement, une prise de conscience de l'inanité de la vie, qui fait qu'on bascule dans un autre ordre. Et là, effectivement, le livre 4 vise quand même à éveiller, je dirais, le reste du monde et à les amener à cette résignation active qu'il va développer. Mais ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on a beaucoup employé ce terme de pessimiste cette semaine. On l'emploie en général pour qualifier la philosophie d'Arthur Schopenhauer. Mais finalement, ce terme-là est un petit peu à minorer. C'est-à-dire que malgré l'idée de soutenir que la souffrance est seule positive et que le plaisir est une simple suspension de cette souffrance, il n'est pas pour autant un philosophe complètement pessimiste, mais plutôt un philosophe qui va nous aider à vivre avec cette idée qu'il y a de la souffrance. Donc, ce n'est pas vraiment un pessimisme, c'est plutôt une forme de lucidité. C'est exactement ça. Il faut récuser même cette étiquette de pessimiste. Carrément. Carrément. Comme l'avait fait, alors, son livre a été traduit en français, enfin, ses articles. Comme l'avait fait un spécialiste de Schopenhauer italien que j'ai connu personnellement, qui est décédé depuis quelques années, Sandro Barbera, qui insistait sur le fait qu'il faut détacher cette étiquette de pessimiste. Parce qu'effectivement, vous avez raison, et ça rejoint son enseignement, enfin, la reprise du bouddhisme à Schopenhauer. C'est plutôt de la lucidité. C'est plutôt de la lucidité. C'est-à-dire, le pessimiste est encore pris, en fait, si on interprète Schopenhauer là-dessus, le pessimiste est encore pris dans une volonté de changer les choses, dans une insatisfaction qui révèle encore la violence de la volonté. Et est pris encore dans le désir. Vous voyez pas, vous, le pessimiste comme quelqu'un qui est plutôt résigné, défaitiste, fataliste et qui finalement contemple aussi quand même le monde avec une forme de clairvoyance, d'acuité, qui va dire, au lieu de se complaire dans une sorte de naïveté bienheureuse, va justement voir les phénomènes tels qu'ils se passent dans toutes aussi leurs difficultés. Alors, il y a sans doute des pessimistes joyeux, mais le pessimiste est généralement amer, déçu de la tournure que prennent les choses. S'il faut proposer un terme pour qualifier l'éthique de Schopenhauer, et qui rejoint d'ailleurs son appétence pour la philosophie hindoue, ça serait le détachement. Je dirais que c'est le détachement par rapport justement à cette folie du vouloir dans laquelle sont pris la plupart des gens quotidiennement. On peut reprendre l'image de Bouddha, vous savez, qui lui est sur l'autre rive et contemple les gens en fait se barboter ou s'agiter pris dans le fleuve des passions. Voilà, Schopenhauer a cette idée de se retirer du jeu de la vie pour l'observer avec lucidité, avec une pointe d'humour aussi, avec une humour caustique bien sûr, toujours Schopenhauer, mais avec détachement. Alors justement, on va entendre comment la volonté nous prend dans ses filets et comme il est difficile de s'en détacher, c'est le paragraphe 54 du livre 4, donc du monde comme volonté et comme représentation d'Arthur Schopenhauer, interprété par François Raison. La volonté sans intelligence, désir aveugle, irrésistible, telle que nous la voyons se montrer encore dans le monde brut, dans la nature végétale et dans leurs lois, aussi bien que dans la partie végétative de notre propre corps, cette volonté, dis-je, grâce au monde représenté qui vient s'offrir à elle et qui se développe pour la servir, arrive à savoir qu'elle veut, à savoir ce qu'est ce qu'elle veut. C'est ce monde même, c'est la vie, telle justement qu'elle se réalise là. Voilà pourquoi nous avons appelé ce monde visible le miroir de la volonté. Et comme ce que la volonté veut, c'est toujours la vie, c'est-à-dire la pure manifestation de cette volonté dans des conditions convenables pour être représentée, ainsi, c'est faire un pléonasme que de dire la volonté de vivre et non pas simplement la volonté. Car c'est tout un. La volonté étant la chose même en soi, le fond intime, l'essentiel de l'univers, tandis que la vie, le monde visible, le phénomène, n'est que le miroir de la volonté, la vie doit être comme la compagne inséparable de la volonté. Partout où il y aura de la volonté, il y aura de la vie. Un monde enfin. Aussi, vouloir vivre, c'est aussi être sûr de vivre. Et tant que la volonté de vivre nous anime, nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre existence, même à l'heure de notre mort. Sans doute l'individu, sous nos yeux, naît et passe. Mais l'individu n'est qu'apparence. S'il existe, c'est uniquement aux yeux de cet intellect qui a pour toute lumière le principe de raison suffisante. En ce sens, oui, il reçoit la vie à titre de pur don qui le fait sortir du néant, et pour lui, la mort, c'est la perte de ce don. C'est la rechute dans le néant. Toutes mes excuses, il ne s'agissait pas du comédien François Raison, mais du comédien Daniel Mesguich, mais ça reste le même texte. Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, livre 4, paragraphe 54. C'est vraiment un très beau texte. Il faut quand même le dire, Yanis Constantinides, l'écriture d'Arthur Schopenhauer est assez éblouissante et on est presque séduit, en fait, par la manière dont il nous décrit ce mystère qui serait à l'œuvre dans la nature et qui serait donc cette volonté. On en a parlé cette semaine, mais il faut revenir quand même sur ce qu'est la volonté, pourquoi elle porte ce nom-là qui prête quand même à confusion et comment cette volonté nous permet de passer avec Schopenhauer d'une métaphysique justement à une éthique. Alors oui, c'est un style éblouissant, c'est un des rares philosophes allemands qui sache écrire, avec Nietzsche bien sûr, ça l'a desservi d'ailleurs auprès des professeurs de philosophie très clairement. Parce qu'il était trop, c'était trop beau pour être vrai. Parce qu'il est, attaché à des effets de style. Il a écrit sur les écrivains et le style. Enfin, il est attaché à l'écriture, au fait d'illustrer aussi beaucoup sa pensée. Notamment par une très grande culture. Il cite beaucoup de textes et il est très proche de Goethe. Enfin, voilà. Pour la volonté, effectivement, ça peut prêter à confusion parce que c'est une volonté qui ne veut pas consciemment. Mais en réalité, il faut comprendre, et je pense que à notre époque où les neurosciences se développent énormément, il faut comprendre la volonté au sens d'une volonté inconsciente, c'est-à-dire au sens de l'inconscient cognitif. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'inconscient cognitif et pas l'inconscient de Freud, pas l'inconscient psychanalytique, parce qu'il y a une vraie confusion pour le coup dans la reprise du thème de l'inconscient chez Freud. Peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure. Mais voilà, c'est une sorte de volonté aveugle, dénuée de finalité, qui veut simplement se perpétuer, qui cherche par tous les moyens à se perpétuer, donc qui finalement résiste même à la mort. On en reparlera peut-être. La mort est juste la mort, la dissolution de l'individu. Mais il n'y a pas de vraie mort pour Schopenhauer. La mort n'existe pas, à proprement parler. Voilà. Donc il faut distinguer la mort du néant, mais on y reviendra certainement. Et donc cette volonté, pourquoi a-t-elle ce terme de volonté? Puisque la volonté ne veut rien d'autre qu'elle-même finalement. C'est pour mon avis, hein, tout simplement, c'est pour décrire, et ça marche, je pense, là-dessus, du point de vue métaphorique, c'est pour décrire cette incessante pulsion de vie. Nietzsche parlera de pulsion d'ailleurs pour décrire cela, et il reprendra volonté dans volonté de puissance, bien sûr, c'est un clin d'œil à Schopenhauer, mais c'est pour décrire cette inlassable force vitale. D'ailleurs, dans les écrits plus tardifs de la volonté dans la nature, le texte où il se rapproche des physiologistes français, il reconnaît dans le principe de vie ou la force vitale un synonyme de volonté. Oui, et puis c'est d'ailleurs un terme qu'on va retrouver quand même beaucoup en philosophie. Il y a quand même l'élan vital de Bergson, on peut parler du vitalisme, il y a effectivement la volonté de puissance chez Nietzsche. Mais avant Schopenhauer, il y a aussi Spinoza. On est quand même tenté tout le temps de penser à l'éthique de Spinoza. Spinoza a quand même écrit une éthique. C'est quand même le penseur du conatus, soit le désir de persévérer dans son être. Est-ce qu'on peut rapprocher Schopenhauer de Spinoza, notamment aussi avec cette idée que prendre conscience du conatus qui nous anime, c'est aussi une manière d'être lucide et éveillé sur les principes qui nous déterminent? En partie seulement. C'est très séduisant de faire ce rapprochement, je suis d'accord. Surtout que Spinoza est sans doute le premier auteur qui avait, bon, avec Leibniz un peu plus tard, qui attire l'attention sur le corps, ce que peut le corps. Nous ignorons ce que peut le corps. Et ça, on le retrouve très clairement chez Schopenhauer, qui est un grand philosophe du corps. J'en dirai un mot certainement tout à l'heure. Oui, on va pouvoir le commenter même dès maintenant avec ce texte. Hein, d'accord. Très présent. D'accord. On est tenté de rapprocher la volonté du conatus, mais je dirais que la spécificité de Schopenhauer, c'est cet arrière-plan vitaliste, effectivement, qui est très 19e siècle allemand notamment, mais c'est cette découverte aussi scientifique à l'époque de forces vitales qui n'obéissent pas à une finalité, qui cherchent à se perpétuer à tout prix. Voilà. Donc c'est un peu différent du Conatus. Je ferai quand même, enfin, je ne ferai pas une entière identité. Identification avec Spinoza. Alors dans ce texte, justement, je vous propose de parler du corps, Yanis Constantinides, parce que c'est quand même quelque chose qui revient. Il le dit dès le début, Arthur Schopenhauer, la volonté sans intelligence, désir aveugle, irrésistible, telle que nous la voyons se montrer encore dans le monde brut, dans la nature végétale et dans leurs lois, aussi bien que dans la partie végétative de notre propre corps. Ce qui veut bien dire que cette volonté, elle m'apparaît, moi, être pensant, homme, non pas par ma conscience, non pas par l'intellect, mais vraiment, je l'aperçois d'abord par ce qu'elle fait à mon corps, alors j'imagine par les affects qu'elle y produit, du plaisir ou de la douleur. Alors, c'est ça en effet, en précisant un tout petit peu cette approche, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit souvent de Schopenhauer, et c'est assez erroné, que Schopenhauer, contrairement à Kant, dit que la chose en soi est connaissable, et c'est justement la volonté. La volonté serait la chose en soi kantienne. Sauf que la volonté en elle-même n'est pas connaissable directement, mais elle est connaissable par ses effets. Et c'est là où Schopenhauer devient un grand philosophe du corps, c'est que pour lui, la volonté s'incarne dans le corps. C'est-à-dire que nous avons chacun dans notre propre corps, dans les mouvements qui nous échappent, par exemple les mouvements involontaires, tout ce qui relève aujourd'hui justement de l'inconscient, on dirait pas végétatif aujourd'hui dans ce sens-là, mais tout ce qui relève de l'inconscient, nous avons ces traces de la volonté qui sont infra-individuelles, sur lesquelles l'individu d'ailleurs n'a pas de prise. Comme lorsque nous subissons, vous savez, une envie irrépressible et que nous ne pouvons pas y résister, que la conscience n'arrive pas du tout à la contrôler. Finalement, Schopenhauer a été le seul philosophe, peut-être pas le seul, mais en tout cas un des seuls philosophes très lucides sur le fait que l'homme ne puisse pas tout sur son corps et en cela a réhabilité le corps. Tout à fait. Je pense que c'est le premier grand philosophe, effectivement, qui voit que le corps nous est étranger. Au sens littéral, c'est-à-dire que nous n'avons pas de prise sur notre corps, nous sommes dans un corps sans l'avoir choisi, bien entendu, sans avoir choisi son état de santé, sans avoir choisi ses pulsions, etc. Et nous subissons en grande partie les effets du corps. Et c'est là où le détachement de la vie est aussi un détachement du corps. Il y a aussi une autre chose dans ce texte par rapport justement à cette importance du corps, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les humains et les autres êtres vivants. Quand il parle de la nature végétale et de la partie végétative de son propre corps, on voit bien que si c'est par le corps que la volonté s'exprime et que je peux avoir un tant soit peu conscience d'elle, cela fait qu'il y a une sorte d'identité ou du moins de continuité entre tous les vivants. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très original dans sa pensée. Très original et en même temps, il le rattache bien sûr à l'hindouisme, au bouddhisme, parce qu'il reconnaît ce thème dans la compassion pour le vivant de Bouddha, pour l'ensemble du vivant, hein, pas juste pour les animaux comme aujourd'hui, pour l'ensemble du vivant, y compris les végétaux, etc. Effectivement, si on voit l'individuation humaine, donc le développement de l'humain, la désanimalisation de l'homme comme une exception, et peut-être pas heureuse pour Schopenhauer, on constate que dans le fond, c'est le cas de le dire, la volonté parcourt l'ensemble du règne du vivant. De la plante à l'homme, on dira, et elle est identique dans ses, si je puis dire, dans sa fonction. Après, évidemment, elle se décline de façon de plus en plus complexe, bien entendu, de plus en plus complexe avec le développement de l'intellect qui est le jouet de la volonté. Alors c'est cet intellect-là qui va quand même distinguer les hommes des autres êtres vivants, non pas en termes de nature mais en termes de degré, ce sera le degré le plus élevé quand même pour Schopenhauer, et néanmoins ce degré le plus élevé est aussi ce qui va perdre les individus, les hommes, puisque c'est précisément par cet intellect, cette conscience d'être animé par un principe qui le dépasse, qui fait souffrir les hommes. Est-ce que c'est bien ça que nous dit Schopenhauer? Alors pas les perdre, mais en fait leur révéler la vérité. Mais les faire souffrir aussi. Oui, bien sûr, leur faire prendre conscience de l'inanité de la vie et ne plus être juste des jouets inconscients, effectivement, de la volonté. Alors, la question qui se pose entre les lignes dans votre question, c'est est-ce qu'on est heureux lorsqu'on est ignorant, finalement, mais oui, du ressort de la volonté? Est-ce qu'on est réellement heureux? J'en suis pas certain. Enfin, ce serait un long débat, à mon avis. Mais je pense qu'on est plutôt dans un registre qu'on appellerait aujourd'hui celui de l'addiction. C'est-à-dire qu'il y a des petits plaisirs qu'on a ici ou là, mais que fondamentalement on a conscience, enfin on a une petite conscience d'être malheureux quand même, vous voyez, mais pas pleinement conscience comme Schopenhauer. Mais pour revenir à l'intellect comme jouet de la volonté, ce qui est très intéressant, c'est ce primat du corps, ce qui est très nouveau, et c'est là où Nietzsche sera le vrai disciple de Schopenhauer, même s'il s'oppose à beaucoup d'aspects de sa pensée. Ce que Nietzsche a bien perçu, parce qu'il a lu, comme il dit, chaque ligne de Schopenhauer, comme Schopenhauer lui-même invité à le lire tout de moi, pas des extraits, simplement. On voit que le corps est bien plus fondamental que l'intellect. L'intellect est une sorte d'épiphénomène, d'ajout tardif. Et dès lors, l'intellect va se retourner contre la volonté, donc contre son corps, contre son propre corps. Finalement, toute la question, c'est de savoir, pour Schopenhauer, comment faire en sorte que cette volonté aussi prend déjà toute la place, mais ne prenne peut-être pas toute la place. Alors, il y a plusieurs solutions qui vont être abordées, et je vous en propose une, Yanis Constantinides. Et voilà, nous y sommes. C'est arrivé. Lieu approximatif de l'impact, l'Atlantique Nord. Heure approximative de l'impact, 7h30 du matin, heure de Perth. C'est-à-dire, il y a 10 minutes. À l'heure où je vous parle, l'Europe de l'Ouest a disparu. Notre belle nation se rapproche peu à peu du néant. On aura la vue la plus belle. Tu vois pas qu'on est mort? La douleur va être atroce. Et je veux rien sentir. Et tu pourras oublier tout ça. Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Dans le monde comme volonté, comme représentation, Schopenhauer nous dit, c'est le paragraphe 69, si l'on nous mettait sous les yeux à chacun les douleurs, les souffrances horribles auxquelles nous expose la vie, l'épouvante nous saisirait. Une bonne manière peut-être d'échapper à l'épouvante et à l'enfer que nous fait vivre la volonté, est-ce que ce serait pas la fin du monde et effectivement ce désir de tendre vers le néant pour enfin que la volonté s'arrête, Yanis Constantinides? Tout à fait. Alors la fin du monde ne serait pas spectaculaire. Notre monde n'est qu'en partie schopenhauerien parce que on envisage une réelle fin du monde, explosion de la planète, disparition de l'humanité, etc. Mais pour Schopenhauer, c'est quelque chose de beaucoup moins spectaculaire, beaucoup plus intériorisé finalement. C'est le renoncement actif aux pulsions, au corps. Donc le fait qu'on s'identifie plus au désir, c'est l'extinction du désir, comme disait Bouddha. Et donc le fait que finalement on se détache petit à petit de son corps, et en se détachant de son corps, on se détache de la volonté. Mais est-ce qu'il y a une forme d'affinité entre Schopenhauer et la collapsologie, c'est-à-dire vraiment une sorte de fantasme en fait de la fin du monde qui serait à la fois une grande crainte et en même temps une forme de libération? Et c'est là où il y aurait une forme d'ambiguïté, et c'est pour ça qu'on a intitulé cette émission l'art de jouir de la fin du monde, le monde entendu au sens de Schopenhauer comme l'art de jouir de la fin de l'emprise de la volonté. Est-ce qu'il y a une forme de libération à échapper à cette volonté? Alors totalement, j'adore votre titre. Il y a quelque chose de jubilatoire effectivement dans les derniers paragraphes de du monde comme volonté comme représentation. On se réjouit de faire la nique à la volonté. On se réjouit en fait de mettre fin à son règne, de non plus en être les jouets. Alors c'est grâce à elle qu'on a développé. C'est un autre paradoxe à penser de Schopenhauer. C'est grâce à la volonté qu'on développe l'intellect. Donc l'intellect se retourne contre la volonté qui est sa créatrice de départ. Mais effectivement, il y a une véritable jubilation à ne plus dépendre de la volonté. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour Schopenhauer d'à la fois soutenir que la volonté est un principe aveugle, sans raison ni but, et en même temps de la charger comme ça d'une sorte de dessein maléfique, comme si la volonté nous voulait forcément du mal? Et là, quand même, vous êtes aussi spécialiste de Nietzsche, Yanis Constantinides, pourquoi cette volonté de vivre n'est-elle pas une volonté de puissance? C'est tout le remaniement de la notion que fera Nietzsche, qui la débarrasse de cette crypto-finalité. qu'il y a chez Schopenhauer. Effectivement, pour moi, la grande difficulté de la fin du monde, c'est que il y a comme un dessein caché à elle-même, hein, parce qu'elle ne réfléchit pas à la volonté par définition. Il y a quand même un dessein où elle crée les conditions de sa propre disparition. Et le titre de la partie le dit, la volonté s'affirme puis se nie. C'est-à-dire qu'elle, c'est comme si elle le faisait exprès, alors que par définition, elle ne fait rien exprès. Donc, c'est comme si la volonté finalement avait dès le début qu'elle nous mettait à l'épreuve, un peu comme un malin génie, un peu comme une épreuve du diable, vous voyez, une période transitoire, de voir si l'humanité va comprendre sa ruse. Vous voyez, c'est comme une prise de conscience qu'on est en fait le jouet d'une force maléfique qui se présente peut-être comme bénéfique, par exemple sur la procréation, dont je parlerai dans un instant. La procréation, il y a un texte fabuleux, La fin de la métaphysique de l'amour sexuel, où Schopenhauer évoque les amants qui sont sur le point de faire l'amour, et il dit, ils ne savent pas qu'ils sont complices d'un crime. Ils sont complices d'un crime. Oui, qui effectivement, oui, ils vont perpétuer les générations, alors même qu'en fait, ils ne font qu'accomplir une sorte de dessein de la volonté. Voilà, et chacun sait, enfin tous ceux qui ont des enfants savent qu'effectivement c'est pas forcément très volontaire, qu'il y a un moment où on lâche prise, on réfléchit pas justement au futur de la planète. Non, on se rend pas trop compte, ouais. Voilà, et je pensais à quand vous m'avez appelé pour proposer l'émission, je venais de tomber sur le numéro de Courrier International qui parle d'une sorte de volonté aujourd'hui de plus en plus grande de certains jeunes, beaucoup de jeunes qui veulent pas avoir d'enfants, alors parce que le monde est en crise, réchauffement climatique, etc. Donc c'est pas pour les bonnes raisons, certainement pour Schopenhauer, mais il y a une sorte de prise de conscience, une sorte désaffection de la procréation qu'on trouve aussi au Japon ou dans d'autres pays. Alors justement, je vous propose, parce qu'on a un extrait sur ce sujet, Yanis Constantinides, d'écouter quelqu'un qui ne désire pas d'enfants, justement pour des raisons écologiques. On les appelle les Jinx, Green Inclination, No Kids, tendance écolo, pas d'enfants. Alors le lien entre écologie et mon choix de ne pas avoir fait d'enfants, c'est justement de me dire d'abord, un, dans quelle planète je vais le mettre, sur quelle planète va-t-il habiter, va-t-il vivre, va-t-il cohabiter, et j'ai finalement nourri ce choix de beaucoup d'arguments effectivement liés à la préservation de notre planète, parce que plus on grandit, plus on se dit mais il y a pas de rechange quoi. Il n'y a que cette planète. Les enfants, en termes de CO2, ça coûte plutôt cher pour l'alimentation, ça coûte plutôt cher pour l'habillement. En revanche, si vous prenez la consommation courante, ces geeks vont sans doute s'acheter des appareils électroniques, vont faire des voyages puisqu'ils n'ont pas d'enfants. Donc en fait, en ne faisant pas d'enfants, sans doute ils consommeront plus de CO2. C'était un reportage sur France 24 du 18 janvier 2019 par Émilie Devienne et Hervé Lebras qu'on a entendu. Alors on a entendu Green Inclination No Kid. Donc on voit bien cette idée de ne pas vouloir faire d'enfants pour des raisons écologiques, mais ce qui finalement fait écho assez étonnamment avec les propos de Schopenhauer, d'une part parce que c'est une manière effectivement de ne pas vouloir perpétuer le dessein de la volonté, mais aussi parce que ça réintègre les raisons écologiques, l'homme dans cette chaîne de vivant, c'est-à-dire finalement je vais préserver la planète d'une sorte d'invasion des hommes, je ne vais pas prendre toute la place, et puis il y a aussi quand même cette idée presque d'ascétisme qui se joue, on va contrôler ses désirs. Oui, en même temps, je pense que ça amuserait beaucoup Schopenhauer de voir. Mais il n'a pas eu d'enfant, lui, d'ailleurs. Non, il a failli. Je pense que ça amuserait beaucoup de voir qu'on renonce à la procréation, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour des raisons malthusiennes où on veut, un peu par égoïsme, n'est-ce pas, ce qui n'est pas forcément pas du tout la qualité prônée par Schopenhauer, on veut en fait une plus de confort pour nous. On veut sauvegarder la planète. Donc en fait, on est encore le jouet de la volonté, mais on refuse pour des raisons bon qui s'expliquent, mais qui ne sont pas du tout celles de Schopenhauer, de procréer. Mais est-ce que ce serait pas plutôt le contraire ? Est-ce qu'on refuse de procréer non pas par égoïsme, mais au contraire par pitié, par compassion ? Parce que ça, c'est des termes qui sont très importants chez Schopenhauer. Est-ce que finalement, ne plus être le jouet de la volonté, ne plus être reposé uniquement sur son individualité, son individuation, est-ce que c'est justement ne pas prendre conscience qu'on fait partie d'une chaîne d'êtres vivants et avoir une forme de pitié qui nous réintègre dans cette chaîne ? Oui, mais c'est tout de même de l'égoïsme parce que nous, on est bien vivants, on profite de notre place réservée déjà et on décide pour les autres. Vous voyez, c'est comme des gens qui interrompront une grossesse parce que l'enfant est porteur de handicap et donc c'est pour son bien. Mais c'est aussi, je vais pas juger, bien entendu, mais ça peut être aussi inconsciemment pour la peur d'assumer un enfant handicapé. Donc voilà, il y a cette ambiguïté là. Mais je pense à un texte. Vous me faites penser à l'instant à un texte. Prodigieux et je dirais très émouvant de Schopenhauer qui parle du suicide altruiste. C'est-à-dire de faits rares mais qui existent, qu'on connaît, où un père, par exemple, tue ses enfants puis se suicide. Et Schopenhauer affirme que c'est par altruisme, que là on va voir un fou furieux dans quelqu'un qui tue ses enfants et qui se tue par la suite. Schopenhauer dit c'est par compassion, il a compris. Alors évidemment, il n'est pas favorable au suicide violent parce qu'il y a encore une affirmation du vouloir vivre, mais ce père-là, l'assassinat même dans le cas de ses enfants là, on pourrait voilà, dire c'est évidemment infanticide, clairement double infanticide suivi d'un suicide. Mais Schopenhauer quand même, il justifie ce geste en disant qu'il y a eu une sorte de prise de conscience désespérée de cette personne qui se dit « je ne peux pas laisser mes enfants dans ce monde. Donc je préfère les emporter avec moi, alors dans le néant, c'est une illusion, mais dans le néant, pour les soustraire à ce monde violent. » Alors justement, vous avez parlé, Yanis Constantinides, de suicide et on va écouter un texte de Schopenhauer sur le suicide, interprété cette fois-ci par François Raison. « Bien loin d'être une négation de la volonté, le suicide est une marque d'affirmation intense de la volonté. Car la négation de la volonté consiste non pas en ce qu'on a horreur des maux de la vie, mais en ce qu'on en déteste les jouissances. Celui qui se donne la mort voudrait vivre. Il n'est mécontent que des conditions dans lesquelles la vie lui est échue. Par suite, en détruisant son corps, ce n'est pas au vouloir vivre, c'est simplement à la vie qu'il renonce. Il voudrait la vie. Il voudrait que sa volonté existât et s'affirmât sans obstacle. Mais les conjonctures présentes ne le lui permettent point, et il en ressent une grande douleur. Le vouloir vivre lui-même se trouve, dans ce phénomène isolé, tellement entravé qu'il ne peut développer son effort. Le vouloir vivre se manifeste aussi bien dans le suicide incarné en Shiva que dans la jouissance de la conservation incarnée par Vishnu et dans la volupté de la reproduction incarné par Brahma. La vie est infailliblement et pour toujours inhérente au vouloir vivre, et la souffrance à la vie. Il en résulte que le suicide est un acte vain et insensé. On a eu beau détruire volontairement un phénomène particulier, la chose en soi n'en reste pas moins intacte. C'est comme l'arc-en-ciel qui subsiste, malgré la succession continuelle des gouttes qui lui servent un instant de support. Alors c'est un petit peu désespérant d'entendre Arthur Schopenhauer, puisque là on vient d'entendre un extrait toujours du livre 4 du Monde comme volonté et comme représentation. C'est le paragraphe 69. C'est un petit peu désespérant parce que finalement la fin du monde, bon, a priori elle n'est pas pour tout de suite. Le fait de ne pas faire d'enfant, c'est en fait un acte d'égoïsme et pas de pitié et de compassion. Et le suicide, pour mettre fin à la volonté, ça ne sert à rien. C'est même assez contre-intuitif ce qu'il dit dans ce texte, assez étonnant. La mort n'est pas un anéantissement, nous dit-il, et c'est la première fois que j'entends un jugement pour condamner le suicide, non pas moralement, mais presque logiquement. Et ça, c'est à la fois désespérant, puisqu'on est condamné à être sous l'emprise de la volonté, et en même temps assez intéressant comme non-défense du suicide, je dois dire. Alors, c'est pas le premier. Il faut penser au texte d'un vrai pessimiste cette fois, Blaise Pascal, qui disait « Même celui qui va se pendre cherche le bonheur ». Et effectivement, le fait de laisser, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions, mais le fait de laisser un petit mot, vous savez, avant de se suicider, veut dire qu'on est attentif à l'effet que va faire notre mort, alors qu'on ne sera pas là pour voir l'effet que ça aura sur ceux qui resteront. Mais c'est parfois pour justifier aussi. Pour dire, c'est pas de votre faute, c'est pas vous, c'est moi. Bien sûr, mais c'est un petit peu comme le raisonnement d'Elisabeth Kubler-Ross, vous savez, dans les 5 étapes du mourir, c'est mettre en ordre ses affaires avant de partir. Mais c'est cette illusion de contrôler sa vie jusqu'au bout. Vous savez qu'il y a l'illusion de l'autonomie. Schopenhauer est un grand penseur, et très moderne là-dessus, sur cette critique de l'autonomie. L'autonomie est toujours une illusion. La croyance qu'on maîtrise sa vie est toujours une illusion. Et elle est d'autant plus forte que, l'autonomie est censée être grande. Donc pour revenir au suicide, effectivement, le suicide, comme c'est souvent brutal, ça se fait de manière un peu brutale, ça met un terme à la vie, c'est encore une affirmation du vouloir vivre. Là, on voit l'aspect malin génie du vouloir vivre qui nous pousse aussi au suicide. Oui, on n'en peut plus et puis finalement, on peut rien y faire. Mais il faut aussi peut-être évoquer un autre cas qui est le cas quand même du suicide assisté. Parce que dans ce cas-là, qu'en aurait dit Schopenhauer ? Pourquoi par exemple, dans l'exemple que vous avez donné auparavant, Yanis Konstantinides, à savoir l'infanticide et son propre suicide, d'une certaine manière, Schopenhauer y a vu une forme d'altruisme. Voilà. Et pourquoi dans le fait de se suicider, il n'y voit pas du tout une forme d'altruisme ? Peut-être sauver le monde de sa propre présence et se sauver soi-même. Et pourquoi, et dans le cas du suicide assisté, qui serait presque entre les deux, qu'est-ce qu'il en aurait dit ? Alors, je pense que c'est un entre-deux. Pour moi, Schopenhauer, dans le livre 4, fait l'éloge de ce que j'appellerais le lent suicide, c'est-à-dire mourir de son vivant. Éteindre la volonté en soi, tout en étant vivant. C'est être mort vivant, oui. être mort dans la vie. Le suicide assisté est un compromis intéressant parce que là ce n'est pas une décision impulsive, ce n'est pas sur un coup de tête ou une pensée particulièrement noire, un geste irréfléchi où on se jette sous les roues du métro, n'est-ce pas ? Le suicide assisté est plutôt réfléchi, donc ça renvoie à l'intellect. C'est plutôt une décision mûrement réfléchie. On prend une date, vous savez, en Suisse, avec la société Exit, la bien nommée. On décide d'une date, comme on prend rendez-vous chez le coiffeur. La personne, le bénévole, vient avec le petit kit suicide assisté et vous le faites tranquillement. Vous êtes censé être en paix avec vous-même, etc. Bon, je n'entre pas dans ces détails-là, mais je dirais que pour Schopenhauer, ça reste quand même contestable parce que c'est toujours un individu. On tue l'individu en nous, mais on ne tue pas la volonté. C'est ça la différence. C'est-à-dire le principe d'individuation reste une illusion de la volonté. Voilà, et on reste toujours dans l'illusion qu'on va être effectivement, comme vous le disiez, autonome de contrôler la vie et effectivement d'avoir la main même sur notre mort. Voilà, je dirais la vraie liberté, si on peut parler de liberté chez Schopenhauer, qui est un grand critique comme Spinoza du libre arbitre. C'est vrai que c'est pas un terme qu'on croise beaucoup, hein. On le trouve dans le livre 4, on trouve cette idée de liberté, alors un petit peu à la manière de Spinoza, un petit peu paradoxale, comme connaissance de la nécessité chez Spinoza. Mais chez Schopenhauer, je dirais, si je peux proposer une définition de la liberté chez lui, c'est le fait de résister à ce piège, je trouve, qui nous attache à la vie toujours malgré tout, même dans les pires moments, le piège de la volupté, le piège des petits plaisirs de la vie. Le piège, comme dirait Adèle, de la vie ordinaire. Voilà. Et donc, il faut résister à cette tentation. Il y a évidemment la douleur qui sert de rappel. La douleur nous ramène à la réalité. C'est une épreuve de réalité. Oui, c'est la seule. Le seul indice de la présence de la volonté en nous. Mais cette douleur est toujours compensée par la volupté qui nous ramène à la vie, qui nous rattache à la vie. Et qui nous fait croire que finalement, la souffrance est moins consistante que le plaisir ou le bonheur. Complètement. Alors maintenant, on va passer à une manière qui serait la bonne pour Schopenhauer de s'échapper, de déserter ce mouvement de la volonté. Alors ce n'est pas la mort, ce n'est pas le suicide, ça peut être la fin du monde, mais disons qu'avant qu'on la voie venir, il nous reste du temps. Non, au contraire, c'est cette idée d'anéantissement. Les instants où, délivrés de la tyrannie douloureuse du désir, nous nous élevons en quelque sorte au-dessus de la lourde atmosphère terrestre, sont les plus heureux que nous connaissions. Par là, nous pouvons nous imaginer combien doit être heureuse la vie de l'homme dont la volonté n'est pas seulement apaisée pour un instant, comme dans la jouissance esthétique, mais complètement anéantie, sauf la dernière étincelle, indispensable pour soutenir le corps et qui doit périr avec lui. L'homme, qui après maints combats violents contre sa propre nature, est arrivé à une telle victoire, n'est plus que le sujet pur de la connaissance, le miroir calme du monde. Rien ne peut plus le torturer, rien ne peut plus l'émouvoir, car toutes ces mille chaînes de la volonté qui nous attachent au monde, la convoitise, la crainte, la jalousie, la colère, toutes ces passions douloureuses qui nous bouleversent, n'ont aucune prise sur lui. Il a rompu tous ses liens. Le sourire aux lèvres, il contemple paisiblement la farce du monde qui, jadis, a pu l'émouvoir ou l'affliger, mais qui, à cette heure, le laisse indifférent. Il voit tout cela comme les pièces d'un échiquier quand la partie est finie, ou comme il contemple le matin les travestissements épars dont les formes l'ont intrigué et agité toute une nuit de carnaval. La vie et ses figures flottent autour de lui comme une apparence fugitive. C'est pour lui le songe léger d'un homme à demi éveillé qui voit au travers de la réalité et qui ne se laisse pas prendre à l'illusion. Comme ce rêve encore, sa vie s'évanouit sans transition violente. Quel texte de Schopenhauer, Le monde comme volonté, comme représentation, toujours le livre 4, paragraphe 68, interprété par François Raison. Alors ce texte est vraiment incroyable, Yanis Constantinides, parce qu'on comprend vraiment ce que Schopenhauer veut dire quand il nous enjoint à renoncer à la vie, sans pour autant renoncer en fait à la vie, sans mourir d'une certaine manière. Et on voit cette idée de comment on pourrait caractériser justement cette délivrance que nous décrit ici Schopenhauer. Voilà, c'est le détachement, alors qui est réservé uniquement aux sages. Parce que là encore, Schopenhauer ne se fait pas d'illusions. Les êtres humains, généralement, ne sont pas sensibles à cela, ne le feront pas. D'ailleurs, une anecdote très amusante. Schopenhauer était un homme d'habitude, malgré tout. Enfin, c'est un peu décevant. La vie de Schopenhauer est un peu décevante par rapport à son œuvre. Il est très casanier. Il n'a pas quitté Francfort. En même temps, c'est assez raccord avec ce qu'il dit dans l'art de se connaître soi-même. Par exemple, il va très peu voir les autres. Il est tout le temps en train de méditer, dans la solitude et dans ses recherches. En même temps, contrairement à Nietzsche, par exemple, qui est beaucoup plus solitaire, c'est quelqu'un de indirectement sociable, si je puis dire. Donc, il allait manger tous les jours à l'hôtel d'Angleterre. Il avait ses habitudes, sa table, etc. Et il plaçait toujours quelques pièces d'or sur sa table. Et donc, il était tout seul, bien sûr. Il mangeait toujours seul, etc. Mais il observait les autres. Et un jour, quelqu'un est curieux quand même, parce qu'on le voyait tous les jours, et vient lui dire pourquoi il y a ces pièces d'or sur la table. Et Schopenhauer dit, je les ai mis au cas où l'un de ces officiers, parce que c'était généralement des officiers qui étaient là, parlerait d'autre chose que de femmes et de chevaux. Et là, je lui donnerais les pièces volontiers. C'était une somme considérable. Vous voyez, il était particulièrement pingre, comme vous savez, Schopenhauer. Donc, c'était pas, mais il était sûr de jamais devoir donner ses pièces. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on est toujours pris, en fait, par les petites choses de la vie. Et seul le sage peut se détacher pour voir les autres, je dirais, avec amusement. Moi, j'imagine très bien Schopenhauer avec un petit sourire à la Bouddha, vous savez, un petit sourire sardonique. Il ne rit pas franchement, bien sûr, parce que ça serait une affirmation de la volonté, mais il a ce détachement, cet éveil qui lui permet de voir les autres de l'extérieur. C'est exactement ce qu'on entend dans ce texte, hein, quand il parle donc de cette expérience où on dit qu'on a rompu tous ces liens, le sourire aux lèvres, on contemple paisiblement la farce du monde. Alors ça, c'est assez incroyable parce qu'on a même presque l'impression d'assister en fait à une sorte de prise de drogue qui nous éveillerait au monde. Donc on serait allongé sur un canapé et puis on regarderait les autres s'agiter dans une forme de vanité, de mouvement insensé. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui est décrit et ce paradoxe qui est que on est à la fois pleinement dans le monde, on est en tout cas capable de décrypter, puisque ce qui est en jeu avec la volonté, c'est quand même une sorte de mouvement souterrain. Donc pour saisir ce mystère de la vie, c'est quand même assez compliqué. Et on a cette impression-là d'être à la fois dans le monde et en même temps hors du monde. Mais est-ce que cette délivrance, elle est accessible pour tout le monde ? Non, justement. Alors là encore un petit paradoxe, c'est que Schopenhauer le publie quand même sa sagesse, parce que c'est une sagesse. Il faut insister aussi pour les auditeurs sur le ton hiératique, notamment de la fin du livre 4. C'est vraiment une déclaration définitive. Il parle en tant que sage qui a vu la vérité, qui a compris l'énigme de la vie. Et vous savez sans doute que Wittgenstein, qui était très nourri de Schopenhauer, à la fin de Tractatus, reprend cette question du sens de la vie. Et lui, il dit, voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas exprimer, c'est indicible, ça se montre, ça se dit pas, etc. Et Schopenhauer, lui, le dit. Il le dit à tous, il le publie. Et il est très furieux, vous le savez aussi, que le monde n'ait absolument aucun écho et qu'il faille attendre 30-40 ans pour qu'on parle de son œuvre. Et il dira avec ironie, mais très grande satisfaction aussi, enfin, le Nil arrive au Caire. Et vous verrez dans les lettres à un disciple, les lettres à Freudenstadt, son archidisciple, il traque la moindre mention de son nom. pour quelqu'un de détaché, c'est quand même un peu d'intérêt pour sa pensée. C'est-à-dire, il est à la fois convaincu que son enseignement est la vérité indubitable et qu'on y viendra peut-être, enfin collectivement, l'Europe y viendra un jour. Mais en même temps, il est très très engagé dans la vie au point de voilà de traquer la moindre allusion à son œuvre. On voit aussi, vous en avez parlé, Yanis Constantinides, de ce modèle en fait ascétique qui serait typique des saints. C'est vraiment un modèle de vie de saint. Il en parle paragraphe 71. Il nous dit « Il est bon de méditer la vie et les actes des saints, sinon en nous confrontant avec eux, ce qui serait une chance bien hasardeuse, du moins en consultant l'image que l'histoire ou que l'art nous en donne, surtout cette dernière qui est marquée d'un cachet infaillible de vérité. » Et on voit bien que là, l'image du saint, c'est pas forcément une image qui certes peut nous guider, mais c'est quand même, ça reste une image finalement. Et on voit bien qu'il y a une idée de prédisposition à être plus ou moins destiné par l'intellect à renverser le mouvement sur la volonté. Alors voilà, cette question de la prédestination est très très difficile. Mais pour répondre juste sur le modèle que joue le saint, ça permet de se débarrasser d'un autre cliché avec le pessimisme sur l'œuvre de Schopenhauer, qui est l'athéisme. Enfin, on parle beaucoup de philosophes athées, etc. Et en fait, le livre 4 du Monde est très élogieux à l'égard d'un certain christianisme ascétique. Pas du christianisme populaire qui devient optimiste du point de vue de Schopenhauer, donc qui tourne mal, mais à propos des saints qui ont su renoncer au corps, renoncer à la vie, voilà, qui considèrent effectivement comme certainement, il est très luthérien, vous le savez, et il considère le libre arbitre, Pélage, comme des aberrations. Donc il est le saint effectivement est sans doute prédestiné à l'être. Et il y a un passage très très curieux dans Le Monde à la fin où il parle du corps de Jésus. Il dit, moi je pense comme certains hérétiques que ce n'était pas un vrai corps humain parce qu'il n'aurait pas pu s'en détacher si facilement. Et donc il avait une apparence de corps. Il reprend presque le dogme de l'Immaculée Conception, de la naissance de la Vierge sans péché, etc. Voilà. Pour justifier ça, c'est très curieux de voir Schopenhauer reprendre des éléments du christianisme un peu comme un père de l'Église aux fins de justification de sa doctrine. En ce qui concerne la méthode de la délivrance, on peut dire les quatre vérités, les quatre neuf vérités. La première vérité, c'est la douleur. On traduit par le mot dukkha, mais la douleur au sens philosophique, parce que le monde est insatisfait, est la cause de la douleur. Est en nous, c'est-à-dire la soif, tanha ou trisna, c'est pas le Dieu, mais pas le matériel, mais en nous. Et c'est la deuxième non-vérité. Et la troisième non-vérité, c'est la cessation de la douleur. On peut dire le nirvana, c'est-à-dire la cessation ou l'extinction des racines mauvaises comme la convoitise, la haine et l'ignorance. C'est la quatrième non-vérité, c'est très important parce que c'est le chemin conduisant au nirvana ou le chemin conduisant à la cessation de la vérité. Je pense que l'essentiel du bouddhisme est la méthode de la connaissance et la méthode de la délivrance. C'était la voix du vénérable Tian Shao dans les après-midi de France Culture du 23 avril 1974. Alors on peut faire un parallèle très clair entre le saint, l'ascète de Schopenhauer et le nirvana dans le bouddhisme avec les différentes vérités qu'on vient d'entendre dans cette archive. Alors la douleur, la cause de la douleur, la cessation de la douleur, le nirvana et puis enfin le chemin qui y mène, la connaissance. Parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Mais si la volonté peut être du moins, à défaut d'être anéanti complètement, on va dire, contrôlé, ce sera par la voie de la connaissance. Tout à fait. Il est très étonnant de voir Schopenhauer, qui avait une information lacunaire sur le bouddhisme, bien sûr. C'est des textes qui n'étaient pas encore diffusés jusqu'en Europe. Voilà, c'est le moment où il commence à l'être, effectivement, où il y a Oldenburg qui publie La vie de Bouddha, enfin Hermann Oldenburg. Et il y a ça commence à l'époque de Schopenhauer, et Schopenhauer a commencé à lire ses textes dès parution, bien sûr. Mais par exemple, les Upanishads, il les lisait dans une traduction française, dans Qu'est-il du Perron. Enfin, il a une connaissance très indirecte de ces textes hindous, qu'il cite pourtant régulièrement. Mais c'est très proche, effectivement, du bouddhisme, de la doctrine bouddhiste. Étienne Chao vient de citer la quadruple vérité du bouddhisme sur la douleur, la cessation de la dukkha, la cessation de la douleur, etc. Effectivement, c'est la connaissance qui permet de sortir de cette ignorance. Dans la doctrine bouddhiste, c'est la connaissance qui nous permet de guérir de l'avidya, de l'ignorance qui nous pousse effectivement à rester dans l'agitation, dans la recherche du plaisir, etc. Mais il y a quand même une question que je me pose avec Schopenhauer, Yanis Konstantinides, c'est que cette idée de l'anéantissement de la volonté, sans pour autant être anéanti, mais au contraire, en fait, pleinement éveillé, ce mouvement paradoxal fait que, quand même, je me pose la question, mais en fait, qu'y a-t-il à regarder, à contempler dans le néant? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plaisir, on l'a dit, hein, de jubilation de la fin du monde comme volonté, qui fait qu'on se demande, mais finalement, quel est l'intérêt de regarder le néant? Voilà, c'est le point aveugle de la pensée de Schopenhauer. Vous avez raison, pour moi, c'est le point le plus important. C'est que, sans le savoir, Schopenhauer, alors Nietzsche reprendra ça du coup en faisant référence à Spinoza, la connaissance comme passion, la connaissance elle aussi est une passion, c'est pas le remède à la passion mais c'est une passion elle-même, donc l'idée d'un pathos de la connaissance, et en fait il y a une véritable jubilation, il y a ce qu'on pourrait appeler une libido siendi chez Schopenhauer, qui effectivement jubile de cette vérité-là. Donc, est-ce qu'il n'est pas encore victime de la volonté dans cette connaissance jubilatoire, voyez? Oui, et est-ce que effectivement, il y a ce paradoxe de vouloir briser la volonté en faisant un acte volontaire? Donc, comme on l'a dit, c'est la volonté qui à la fois s'affirme, puis se nie, puis se réaffirme en se niant. Alors, c'est pas tout à fait un acte volontaire, parce que comme vous l'avez dit, on est prédestiné à le faire. C'est une sorte de destin. C'est une sorte de destin de certains privilégiés, de happy few, qui les poussent. Inéluctablement, je dirais, à s'éloigner de la volonté. Mais voilà, je dirais que le développement de l'intellect, de la connaissance qui se retourne après contre la volonté, il y a une vraie jubilation à tuer le père, si j'ose dire, ou la mère, si on parle de la volonté. Je pense qu'il y a ce désir, finalement, que Schopenhauer ne perçoit pas tout à fait, parce que c'était un bon vivant, finalement, vous avez dû le dire dans les autres émissions, c'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui n'était pas si détaché de la vie. Il aimait le beau, mais aussi les belles, comme on a pu le dire. Donc, il y a un vrai attrait de la connaissance chez lui, comme qu'on pourrait interpréter si on voulait lui retourner sa doctrine contre lui-même, comme encore un effet de la volonté. Oui, et puis effectivement, le terme philosophie, le fait d'aimer la sagesse, renvoie bien à cette idée qu'il y a une forme de passion qui anime la connaissance. J'aimerais citer pour finir Yanis Konstantinides un petit texte de Nietzsche, c'est dans la généalogie de la morale avant-propos, paragraphe 5, où Nietzsche nous dit « Schopenhauer a longtemps enjolivé à nos yeux la valeur du non-égoïsme, des instincts de compassion, d'abnégation, de sacrifice, et il se fonda sur eux pour dire non à la vie et à lui-même. Mais c'est justement contre ces instincts que s'élevait en moi une défiance de plus en plus fondamentale, un scepticisme toujours plus profond. En eux, je voyais précisément le grand péril de l'humanité, la tentation et la séduction suprême qui la conduirait, où donc, au néant ? » Et ça, c'est intéressant, cette idée de « au néant », point d'interrogation, c'est en fait « à quoi bon le néant ?» Voilà, c'est la lecture que fera Nietzsche très directement de ces textes. C'est le nihilisme, c'est le fameux nihilisme européen. C'est-à-dire pour Nietzsche, justement, Schopenhauer est le symptôme et le précurseur, parce qu'il a vu ça avant les autres, d'une descente aux enfers de l'Europe vers un manque de confiance en elle, on le voit aujourd'hui, vers un renoncement à ses valeurs, on le voit très bien, et vers un nihilisme passif. Alors, ce qui caractériserait Schopenhauer, c'est le terme nietzschien qui caractériserait, c'est le nihilisme passif par rapport au nihilisme actif qu'on voit dans le suicide ou dans les attentats anarchistes, disait Nietzsche. Merci beaucoup Yanis Konstantinides. Je rappelle que Le Monde comme volonté, comme représentation d'Arthur Schopenhauer est disponible aux éditions PUF et aux éditions Gallimard, que d'Arthur Schopenhauer on peut aussi lire Au-delà de la philosophie universitaire, Métaphysique de l'amour sexuel, Lettre à un disciple, que vous avez retraduit, annoté et postfacé, c'est aux éditions Mille et une nuits, et puis aussi de vous Yanis Konstantinides sur Nietzsche, on peut lire Le nouveau culte du corps dans les pas de Nietzsche, c'est aux éditions François Bourin, mais aussi Nietzsche l'éveillé, illustré par Damien McDonald, c'est aux éditions Hollendorf et Dessin. Pour finir cette émission, vous avez le choix entre deux chansons, Yanis Konstantinides, soit Alain Bachung Immortel, soit Gérard Palapra pour La fin du monde. Ça, c'est une chanson plus drôle. La chanson plus drôle, alors. Allez. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, laisse-les là. Et ma boîte à outils, laisse-la aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machines à sous. Pour la fin du monde, pas besoin d'argent. mon avion, mon képi. Laisse-les là. Ma canne et mon fusil. Laisse-les aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. C'était donc Gérard Palafra pour La fin du monde. Il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Peut-on tout expliquer par l'amour et la haine? L'amour et la haine semblent être des phénomènes secondaires, au fond, dans l'ordre, en tout cas, de la nature ou même de la politique. Ce sont des phénomènes qui ont lieu entre des individus, nous semble-t-il, à nous, dans nos sociétés modernes et peut-être dans les replis du cœur humain, des luxes, au fond, ou des malheurs très particuliers, des chagrins qui s'expriment dans la culture, mais qui n'ont rien à voir avec l'organisation même de la nature. Mais est-ce si sûr? Il y a au moins un grand philosophe, un pré-socratique, et d'ailleurs tous les pré-socratiques ont déjà indiqué toutes les grandes pistes que suivront après eux toutes les grandes philosophies, il y a un auteur au moins qui a fait de l'amour et de la haine des principes qui organisent non seulement les relations individuelles, mais l'ensemble des relations de l'univers et des sociétés. Ce pré-socratique, c'est Empédocle. Empédocle dont on dit qu'il s'est suicidé en se jetant dans un volcan de Sicile, dans l'Etna. Il s'y est jeté en quelque sorte comme pour s'unir à la nature dont il pensait que la haine l'avait séparé. Or, que s'est-il passé qui nous semble trop peu commenté encore aujourd'hui, même si c'est une image des plus fortes de l'Antiquité? Le volcan. L'Etna a rejeté la sandale d'Empédocle, comme si, même dans la mort, on ne pouvait pas s'unir entièrement à l'univers et aux autres, comme si même le volcan rejetait encore un peu du philosophe, cette sandale que le volcan rejette dans sa haine en le crachant sur les pentes de la Sicile et parmi ses cailloux et la lave. Ainsi, Empédocle est-il jusque dans la mort le témoin de la haine agissant dans l'amour? Pour lui, l'univers entier est régi par deux mouvements. Un mouvement qui va vers l'unité, qui est celui de l'amour, et un mouvement qui va vers la séparation et qui l'appelle la haine. La haine, dit Empédocle dans un des fragments qui nous reste de lui, la haine qui détruit sans cesse le travail de l'amour et qui disjoint. Ainsi, l'amour et la haine sont véritablement les deux grandes forces à l'œuvre dans l'univers tout entier. Pour certains, ce sont d'abord des éléments qui vont définir l'univers ou bien la loi physique en général, la nécessité pour d'autres pré-socratiques. Mais pour Empédocle, l'univers est coupé en deux par ces mouvements qui ne divisent pas seulement les cœurs humains ou cherchent à les unir, mais l'ensemble des particules de l'univers, les uns poussés vers la croissance et l'unité, les autres retombant en éclats comme la sandale, encore une fois, recrachée par le volcan. Il y a bien des forces opposées qui régulent les relations entre des êtres individuels, des forces qui les construisent mutuellement ou les détruisent mutuellement. C'est cette petite nuance entre l'amour et la haine qui a fait l'objet d'un long travail de philosophie jusque, par exemple, à la psychanalyse de Freud qui s'est réclamée d'Empédocle, comme si Empédocle avait découvert non pas seulement une opposition entre deux principes cosmiques, mais une ambivalence à l'intérieur de chacun de nous, une ambivalence des uns qui veulent la création des autres ou bien leur destruction, une ambivalence présente y compris à l'égard de nous-mêmes, car il y a l'amour de soi, mais la haine de soi aussi, et jusqu'en nous-mêmes, nous sommes travaillés par ces deux principes. Et peut-être, en effet, peut-on et doit-on, à certaines conditions, tout expliquer par la haine et par l'amour. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Carla Michel, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Nicolas Berger, et à la prise de son aujourd'hui Anthony Thomasson, accompagné de Hugo Renard et François Raison à la lecture des textes, plus Daniel Mesguich pour un texte. Pour écouter ou réécouter cette émission sur Arthur Schopenhauer et l'éthique dans le monde comme volonté et comme représentation, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France, et rendez-vous demain pour la suite et la fin de notre semaine sur les arts de Schopenhauer. Et demain, nous parlerons de l'art d'avoir toujours raison avec une pincée d'art de l'insulte, et ce sera avec Christophe Salin.